Bonsoir bande kurangai bisikanyo so bozali esengwezali ebele ya koyeba ke bozana nu ebele pona kolanda biso et ke bozana bomoi c'est l'essentiel. Le Dieu de nos ancêtres s'est toujours levé le premier. Il y a que complonyo so bazako sala na monde entier et simbaté pour le poisson moindo. Ici na stango na sala ki tour na gombe na confinement ko bimanangai na comprenaki. J'avais dit so ba tcho na isika moko mutu mususu azalite okoyeba jour wana importance ya kozala pembeni ya bato. En même temps esprit moko ya mabeza ki ko circuler na commune wana mutu nyonso akolinga yeba azo wa permettre yo akota atambola tango azo bima na pokwa ameka kosala priere akoyoka ndenge nzoto na nyonso ko tremble ndenge eko tresaillir po a comprendre que autaki esika nini. Ça ce n'est qu'un constat bomeka kosala boyeba bino pe oyongai na yokaki na batobele ba komi ko yeba que kokota to bandi kokota na gombe to zobima nzote zaka malamu biente awa na lingi na lobaboyi na ba société nyonso moi ça za mutu ya valeur. Mais ce qui vous commis dans la société et si ka valeur à moi si babandi ko baby sa yango et que moi c'est en demi yeba que société wana ezaya ko kufa. Mawa. Pour moi je me dis étonné ngai encore ma casse. Ya komona moi je suis assali plus de 10 ans na Sénat. Et comme prophétie, comme profession plutôt, nenge ba loba ki ne bêtise yon so wana. Ba pesye kaka bouquet de fleurs à Bosani. Akenako, kolongo la plainte. Et puis mbala moko, ba contraindre ye madame Goya, ase ka bolimbi si. Na Sénat. Nga na mituni, est-ce que mutu na eza na mapeka? Ye loko nini ya salaki ya mabe asenga bolimbi si na Sénat. Opo wazaki kosona na tambwe. Tambwe za nani na Sénat po basamba na ete. Seneke un collègue ya yo na baninga mususu bochaki wana pour maître de l'ordre. O tambwe mwamba yende ya salaki desordre fale yende botele mela asenga bolimbi si. Donc valeur nyonso ya mwasi ba kitisi yango esili lokola li mungwa ya muke na mai bouquet de fleurs est-ce que maman goya ko somba fleur te yo moko est-ce que maman goya soko zo posa na fleur okoki ko senga ngo te ba peso na moment anniversaire boni boyondimi ko solde basi po na fleur pas seulement ba pécho fleur pour qu'on retire plainte me ba ebisi pe yoke senga bolimbis epi o sengi bolimbis me tangu to landi dossier muntu asenga ki ba journaliste bakota alo ba bêtise ezantambo mwamba ça ne m'étonne pas tango koko zai ko ebisa ngai ke tanga passage moko boye kuna na bible ilobi nzete ya mabe koki jamais kobota mbuma elengi. Par conclusion, le FCC peut perdre et allier, ne peut jamais produire une qualité. Non, pas du tout. Et l'eau que vous voyez présenter dans la face du monde, et ça solide. D'ailleurs, tout ce temps, vous n'avez jamais été de modèle côté Nabino. Nalingi na répondre batubaz à l'aise, na oyo ba komi na ba réseaux sociaux Italie, au président français à lobby, après l'ultimatum, déjà mon ultimatum, c'est une fausseté pour komi. Kosoki Afrique a beau vaccin, na après l'ultimatum. Monsieur, vous ne savez pas mentir. Parce que vaccin n'a nos oamités. A quoi qui compète ce qu'on ultimatum na l'olenge nini? Vous pensez que vous écrivez aux bêtes? Vous ne pouvez pas nous mettre la vidéo où il y a un macron et phrase. C'est pourquoi nous, les Noirs, tous les gens ont respect face à la race tout. Parce que tous les gens ont même un bilo qui a mis que vraiment on est bête. Oh, à l'obi, ce qui est le vaccin, c'est que l'Europe est Europe train de se faire. L'Europe est en train de se faire. L'Ukuta est en train de se faire. Il y a mis ça. Il y a un tourisme. Écoutez, s'il y a un lieu touristique, c'est en Europe, c'est en Afrique. En Afrique, il y a tout. Tozana savane, tozana forêt, tozana désert, tozana lac, tozana océan, tozana fleuve, tozana ba affluent ébélé, tozana ba rivière na ba source. Faune na forêt na biso eza très riche. Donc bino oyo bokani saka makambo ba yebi saka bino na ba télévision nde bolobi na ke tourisme bozanga ka pa ya kokende. Et puis c'est simple. Soki le kambata par hasard e ko ya tokoloba merci nzamba salisi poto bongisa isika to fandaka. Et d'ailleurs tokoloba kaka balobi bokoya te biso pe tolobi bino pe bokoya te bokende. Tokomona nanya ko tenir. Parce que bango bazo vivre grâce à Afrique. Na nyonso. Mais biso en Afrique, richesse na biso to profitera na ngote, to souffrira ka makasi. Donc ata tokete souffrance ko lobela biso le côté, souffrance na biso to koma bana mapasa. Bo banga ngote. Ata ko bosali terreur ya ndenge nini. Moma ya vaccin to ko telema. Na lingi siko yona loba na kozonga la susu makambo maladi wana avec des images à l'appui. Ah na lingi na loba botika na moni basali video moko bache mbiye kalambai bakenda bayeko cha avec mukula bagangyo baluba. Na zeli ba répondre na bikolo mosus pour dire que ce n'est pas bon, rien comme réponse. Na lingi na rappeler bango que na kobwa kotanga ba kombo parce que boyebi bango, j'ai de bonnes relations avec eux. Première étape, il y a réponse na ngai, il y a réaction. Il y a bateau jeunesse a peu peur de supposer. D'ailleurs, ils ont sonné à retrouver jeune, n'a pas perdu. Ils ont sonné. bazolo ba que mosali nzambe na église akoki koza na politique te. Vous rêvez debout. Je venais de dire que esika bo buzalaka eloko bien ko bimati. Na lingina tuna binu. Malumalo ya pe perdi azalaki nani? Sango. Ngoi mulunda pe perdi sango. Godin Poi FCC sango. Amos Mbayo FCC sango. Kizamina Kibila Lambuka sango. Mosengo Pasinya sango. Utembi sango. Chole sango. Ambongo sango. Bango moi bakoki ko sala politique tout simplement parce que bazo attaquer Kabila te. Parce que mukunaza koloba vérité na Kabila, ndo boza ko rappeler ye que yo zalaka ko sala musala na Kabila. Katumbi asali musala na Kabila. Bobosa ni ndenge nini? Pierre Lumbi asali na Kabila. Bobosa ni ndenge nini? Olivier Kamitatu, Francis Kalombo, Endundo, batu presque tout oyo, batondi kuna na ensemble, na la muka, ba muzito, ba nyamwisi, ba Jean-Pierre Bemba, bango nyonso basala na Kabila. Wana bozo rappele bango eloko wanati. Me mukuna paske, et colonaïe, nako abandi ko éveiller conscience pour tous les Congolais sans exception. Il ne choisit pas. Nde bozo lobe anaye ke yo kuto sala ki na Kabila. Me ba ona tangi nyos basala na Kabila. Un autre élément. Oh, tomona ki vidéo. Oya mutakala bwana boye. Na boye ko tanga na signaler bino pour le respect. Un pasteur qui n'est pas Mouluba, tombona mutakala naye. Pasteur Yami Balé, azaliki pe Mouluba te, tombona mutakala naye. Personnalité politique moko, ayebani makasi, tombona ka mutakala naye. Ba chroniqueur ya musique, tombona mutakala na bango. Ba tebele, tombona yango. Tombona na ba divorce. Wana botelemeli angote. Yasuka wana ndena tangi kombo. Petit-fils ya diangenda. Image zali. Bofandi kimia. Neti boyebi angote. Ndebo zobi msaba foto. C'est là. Bato baka nisaka ke. Nous, on veut toujours dire ceci. Toniki koloba makambo atribitro. Mais quand on met ceci. J'avais aimé. Nayoka, Bikolo Moussousou, moi je suis de telle tribu, je refuse ce que vous faites. Rien du tout. Vous partagez, vous partagez. Monsieur Tolimou, tu as rassemblé par image de Konabino. Et Zali, tu as dit que partagez. Voilà conseil et bandit. Oh, ils ont bien boyeté. Ils ont séparé Batou. Ils ont séparé Batou. Ils ont séparé Batou. Ils ont séparé Batou. L'évêque Moukouna n'est pas pauvre. L'évêque Moukoura a une très grande église. Pourquoi Telemeni Kabila? Ce n'est pas parce qu'il y a Zangi Mbongo. Est-ce que vous n'avez pas vu, vous, la souffrance que nous avons? Ça ne vous gêne pas, ya totambo la kanababidon ko lukamai. C'est la situation que Kabila a laissée. Franchement, ça ne vous gêne pas. Quand quelqu'un parle comme ça, attends, baby, monsieur, vidéo est en dengue nini. Attends, yé moukwa se filmé, abine mi filmé. Total makamoza koloba pour na batoyo. Exemple. Tala na sena. Mongo 4 millions pour na moussala ya mouke wana basalaki. Le loba zoye bisa goya wana ke. To boyi bako kontrole ntambu mambate pour na mbongo wana. Donc ba le yango boyi. Et vous êtes à l'aise. Qu'on ne parle pas ya batoyo ba outi pa Kabila. Qu'on ne parle pas de Kabila. Donc vous êtes vraiment à l'aise. En quoi vous êtes un peuple? En quoi vous êtes un peuple? Ndenge bakangi ba arme kote kuna. Je ne vois pas votre réaction. Je ne vois pas du tout. Bonjour, c'est le nom de mon ce qui est touché à mon pembe ni président Félix Azali. Bon, on dit qu'on mais ça, ça y est là. Et toutes les femmes là, les supposées femmes qui parlent, bakalwe bango na bouquet de fleurs. Bakangimbanga. Fleurs. Et comme il y a eu un tabac à ma kelle, il va pêcher pour nous à tiki ko ganga ganga. Donc, va diminuer bino, va yunguri bino, va peser bino, va zéro. Ici, je voudrais dire, Natcha image, pour montrer que tant que vous avez mes yeux, Nanigi Natala d'ici le 11. Ce qui France a levé confinement, n'a pas de réaction à la chasse. Parce que confinement au Tchawa, ce n'est pas parce que vous avez étudié, vous avez compris. Tout simplement, vous imitez. Professeur Muyembe dit ceci, avait dit ceci. Vers le mois de mai, ça sera, nous allons atteindre le pic. Si quoi je sens l'effort, à quoi qu'il s'achiffre à Zalaki Kokanela. Bamoussoussou, Bazokola qui s'est même des malades. Mais il y a un professeur Muyembe na compagnie, na ministre Teni Longondo, Batoutou, Tozo, Mona, na Basengantener, Bazako Tambola, Bazako Kende, Paye, Ne Paye. Coronavirus, je n'ai pas vu ces gens tant qu'on va souffrir pour Bakoufa. Je n'ai pas vu. Là, c'est très important. Awa na lingina tia image à l'église, la louange na Kimbondo. Bango bakota ka losambo. Ba s'en foutre na décision bozwaki. Na sengi na veter ba tia image. On a filmé qui l'élo, on a tango bazo yemba, na losambo na bango, na la louange, na kimondo, kote a mama koko. Tolanda. Bande konangai awa boyoki, baza koyemba kuna bandimi, eza église la louange ya kimondo, na monga fula, basangana kabaye ko prier, bazo yemba, bazo ganga, makambo ya confirma, bazo respecte ta mukete, ezali wana enclos yango wana église la louange ya monga fula bola nda bazoyemba ba chrétien ya église oyo ya réveil bozola nda bazana kati ya local wana omoni fenêtre wana mi balé landani na misato ya suka bazana kati wana nde bazako sambela donc na kinsweki. Awa eza musika vers le bas. Sans commentaire. Et nous comme mususu. Et nous on a bino bosaka ka thermomètre ya soko ya la zéro ana. Temps au total température. Mais il y a un problème. Ça demande quand même de la jugeote. So tcheboyi 38. So kro bakena yo ba konté na muyembe mbara moko. Nous venons d'enregistrer un cas. Non. Je ne suis pas médecin mais je vais vous proposer une démarche. Bo sala examen ya mutu. Parce que ngai avant ba sala ba décision ba confirmer tout le reste. Na yo kaka chaleur ko matanga na nzoto. Naoka ki biente, je suis allé à l'hôpital. J'ai été reçu par le docteur Kabamba. Nalobi, nazoka biente. Peut-être ezaka ba corona bazolo balbi non. To sala na no ba examen, nde to ko ki koyeba. Ba cheke ngai, ba trouver que nazana malaria. Ba pesinga ki sa malaria, première prise. Température tout. Na sur sécure complètement. Ça fait plus de 2 mois. Mais tant que vous avez évité que la malaria matissaka fièvre. typhoïde matisaka fièvre, gastrite soki beti makasi matisaka fièvre. Bongo sikoyo bino bokotiaka bo tout bo enregistré professeur Mouemba komi mbala mokasi alaki bango ke d'ici là ekozala 1000 eloko soko welela yango wana. Même pour mettre quelqu'un dans un temps d'incubation de 14 jours, ce n'est pas automatique. Bon, mon température au matin, basse à l'examen, ce qui va coûter malaria, va traiter. Si malaria est si lité, fièvre persistée. Bon, tu es en quarantaine, bon, tu as la soki à développer la symptôme. Non, non, non, non. So ba cheka ka tuku parfois yelo kona bangona nga ba changa 3 fois ezaka ka 33 degrés si ma ko bo za pile silaki. Voilà l'équipe de riposte. Alors je voudrais ici vous dire que le professeur Mouyembe na équipe na ye baza ko traiter na Kinshasa souvent ba ka oyo eza ya covid te. Ils ont insisté. Balingi ba sepelisa ba patron na bango ya OMS. Balingi ba laksa ke ba yebi musala ba sala ka musala. Parce que bolanda ki vidéo te lekisaki ke na mutu ya diabète ya bela kakala ayeko kufa ba enregistré. Awa ekomi mutu akufi ba komi kondegesho ebembe. O tokunda ye lokola mutu a covid po ba konté kaka. So bolingi te bo pesa mwa eloko to pesa bino ebembe na bino tolo bakeza covid 19 te. Tala niveau ya motema mabe noir a developa. Et qui font ça? Les gens qui sont censés protéger la société. Ici le professeur Mouyembe reste grand. Mais il a péché. Le ministre il est un peu grand mais il a péché. Parce que ça a permis au chef de l'État de se déplacer. Pour aller parler avec les malades, le ministre ne le faisait pas, le professeur Mouyembe non plus. Alors qu'est-ce qui se passe? Toi aussi, tu proposais un combo à battre. Si tu as un médecin, tu as un traité vis-à-vis. Pour que tu aies un médecin, tu as un médecin, vous n'êtes pas là où il y a la vraie maladie. Ton solo là qui m'a comme professeur et docteur Mabisombi. Ton parler à professeur Tchalala. Docteur, professeur. Lélo n'a pas ajouté bino, madame Angèle Bipendou. Moutou, médecin à mon néné. N'a pas tchè vétère. Mouké, pour nos problèmes et belété. Yao et Mindele Salaki, reportage sur la sœur. Docteur, spécialiste, asako traité na Italie. Boyoka, ba komisye na batu, oyo baza e corona ete, mais awa silence radio. Soki professeur Mouyembe zaki na mayele ya bien, il allait fédérer autour de lui, sœur Angèle Bipendou, parce que asako traité maladie, na traité ango plus que Mouyembe, baligay bazo docteur Mabisombi, oh, il a traité belé plus que Mouyembe parce que Mouyembe a besoin d'être baka isolé. Balinga qui va professeur Tchalala qui sont qui est au Mali à Zonga a yako traité. Balinga va associer Jérôme Mounyangi qui lui a sorti le produit yaye pour prévenir. Le produit n'est pas pour traiter le Covid, c'est pour prévenir. C'est ça le produit du docteur Mouyang. Artemisia. Mais ils ont traité bien Makasi, malaria. Pourquoi Bato et Basako se retrouvaient une équipe T? Personnellement, je me suis dit, Batye Sonic a foutu en Akati, Batye Ambongo Nakati, Batye Mualim, Oyo ya Mangala, ce qui Mangala ya Islam, Nakati, Batye Osani. Bakio sa nini. S'il s'agit de surveiller l'argent, de contrôler l'argent, laisser l'argent à la présidence là-bas, tout le monde va contrôler en haut, bango batika la néglise. Bazui ba spécialiste yo ba yi. Ba sangani équipe monko. Il y a un coordonnateur, mais qui ne décide pas seul. Parce que, je vous dis, tout l'an de vidéo, na la kisabino, d'abord, docteur Mabisombi, en Italie. Et si vous avez traité COVID-19, 20 heures. Non, sei in Italia o ti... Ti prende? Ah, no, uno. Questo è il ganso. Più veloce, eh? Wana mauti kumona kutu azobeta ba mbata boye na maboko ya medecin mundele wana nde docteur Mabisombi a traita baka mususu par un protocole qu'il a envoyé à distance na ba medecin ngaliema na ebisa kibino sobo tuni docteur ministre honoraire ya santé kabange numbi akoyebisa bino na tangi kumbona ye mena na lingi botala docteur sœur Angèle Bipendou, spécialiste, très outillé, sélectionné dans l'équipe, il y a riposte, il y a poto. Véter. Le COVID se présente de cette manière. Il y a d'abord la période de la contamination. Si la personne a été en contact avec un COVID, la période de manifestation des premiers symptômes de 7 à 14 jours. Donc, de 7 à 14 jours, si c'est vrai la personne a été en contact, commence à manifester d'abord la fièvre. La fièvre va de 37 qui arrive jusqu'à 39. Cette fièvre est persistante. Après la fièvre, il y a la toux. Après la toux, il y a la grippe. Après la grippe, il y a la pulmonite. La pulmonite, c'est ce qui complique le cadre hein, de COVID en soi, que ça commence à former à présenter des versements pleuriques qui portent, et puis, à une complication respiratoire, insuffisance respiratoire qui amène quand même la personne à la mort. C'est ça au moins ces quatre points qu'il faut savoir. Contamination, fièvre, toux, grippe, versement pleurique, et insuffisance respiratoire et la mort de patients. C'est ça au moins ce que moi j'ai vu. C'est ça, c'est comme ça que ça se présente. Angèle Bipendou ferme sa blouse, ajuste une dernière fois son masque et la voilà repartie pour une journée de consultation. Médecin itinérante, originaire de la République démocratique du Congo, elle est arrivée en Italie en 2015 et fait désormais partie d'une unité spéciale de lutte contre le COVID-19. Mokonzi mboka bato bango wana ba associé ka bato baya pays na bango ezawa ye moko lobi azana posa ya kosala. Et pour terminer l'émission d'aujourd'hui naoka ki bato mususu bazako benga ngai pona zongi sera bango image ya oyele kaki na afaso kuna na poto ya election na lingo cha commentaire te botala ndenge election za iko salema makambo ya fraude za lakite oba mututel ba salaki jete vote salema ki et puis pour lui muzinga gagné na ba balanda ki sima veter. Pauline Mujinga. C'était Philippe. Jili Mujinga. Pauline Mujinga. Gracias. Pour terminer, na lingina la kisa image ya Lubumbashi. Na venu Kamanyola esika biso tuzaki koleka. Tango na zoki ndeko tanga na université na Lubumbashi. Kala! Tango Kabila Joseph ayoko koma président de la République, batu basala kiboy. Yeza na Kishasa, so lekika na venu balobi o lekipe mbeni ya rais. Bako beta yo ba beta batu sérieusement na nzela wana. Ça c'est le pouvoir de Joseph Kabila. Tolanda ba oyo bakoyeka swahili wana te bakotuna bato bakoyebisa bango nini baza koloba awa 20h. Cela fait 23 ans que le Louchoua était soumise aux nombreuses restrictions sur le boulevard Kamanyola, dans l'espace entre l'avenue Roué et Sandoa. Barrières érigées ça et là et une vitesse réglementée par les agents de l'ordre. L'espace considéré jadis présidentiel est désormais ouvert à tous les usagers de la route, y compris les motards. Une satisfaction est visiblement manifeste aux yeux de Louchoua, tout en se rappelant de mauvais souvenirs écopés à travers l'espace Kamanyola. Parce que Nakumbuka, wakati walinipikaka fimbo mwifasi mu 2008 walinipikaka fimbo sana na walinikuria hapo na makuta 50,000 francs njua kupita kwa nilipitaka tu mimi nashukuru Mungu kwa ile honorable kwa Mungu ila nafanya barabara inakuwa wazi antuka Mungu amsaidie aendelee na bintu byake biote na biendelee kumbele na mumanda ngine tena pite naona tunashikia kufura sana tellement que mon quoi tracasserie ya mingi mais leo tuko surpris ya kuona bantu ba piéton ba motard ba mamitoka biote biko napita, c'est-à-dire une surprise moi ya nguvu sana na soki wana.